السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah Azza wa Jal la lecture et l'étude de l'épître « Le blâme de la dureté des cœurs, ses causes et remèdes » du grand savant Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Au début de cet épître, nous avions mentionné que cet épître se composait en trois parties, ou se compose en trois parties. Lors du premier cours, nous avions mentionné les preuves sur le blâme de la dureté du cœur. Lors du deuxième cours, nous avions vu la deuxième partie qui porte sur les causes qui amènent à la dureté du cœur. Et nous entamons aujourd'hui, bi-idhnillahi ta'ala, la troisième partie qui porte sur les causes qui dissipent la dureté des cœurs. Car effectivement, il n'y a pas une maladie qui n'ait pas son remède. Comme ceci a été rapporté dans le hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. Allah n'a pas descendu de maladie sans qu'il n'ait descendu son remède. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. قال المؤلف الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في رسالته ذم قسوة القلب. وأما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا، منها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. قال المعلى بن زياد: إن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أدنه من الذكر. L'auteur du livre رحمه الله تعالى a dit: quant aux causes qui dissipent et éliminent la dureté du cœur, elles sont nombreuses également. Parmi elles, il y a le fait de beaucoup évoquer Allah. Al-Mu'alla ibn Ziyad a dit: un homme a dit à Al-Hasan: ô Abu Sa'id, je me plains de la dureté de mon cœur. Il dit: rapproche-le de l'évocation d'Allah. L'évocation d'Allah qui dissipe et élimine la dureté du cœur, et l'évocation avec la langue tout en ayant le cœur présent lors de l'évocation. Comme ceci a été rapporté du hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a'an min qalbin lahin. Dans le sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: invoquez Allah en étant convaincu qu'il vous répondra, car sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur distrait, insouciant. Et ce hadith a été jugé bon. قال المؤلف قال وهب بن الورد نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. وقال يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواص دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكير، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. وهب ابن الورد a dit, رحمه الله, nous avons regardé dans cette affaire, nous n'avons pas trouvé une chose plus douce pour le cœur que la lecture du Coran pour celui qui le médite. De même, Yahya ibn Mu'adh ainsi que Ibrahim al-Khawwas, rahimahum Allah, ont dit « Le remède du cœur se trouve dans cinq choses. La lecture du Coran avec méditation, avoir le ventre vide, la prière de nuit, la supplication au dernier tiers de la nuit et la compagnie des pieux. » Nous voyons à travers ces récits que celui qui évoque Allah Azza wa Jal avec un cœur présent et humble profite de l'évocation d'Allah et ceci dissipe la dureté du cœur. Après cela, la meilleure des évocations d'Allah, de manière absolue ou de façon absolue, est la lecture du Coran. C'est le meilleur moyen pour éliminer la dureté du cœur, la tristesse, les soucis, l'angoisse, le stress et autres. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit « Les soucis, la tristesse, l'angoisse ne se dissipent que par cette base qui est le Coran. » Quant aux choses de ce bas monde qui dissipent la tristesse, les soucis et autres, sont des causes de distraction et non des causes qui dissipent réellement la tristesse, les soucis, l'angoisse et autres. Il a été rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qui rapporte l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Allahumma inni abduka ibn abdik » ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans l'invocation « Ô mon Seigneur, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Mon toupet est dans ta main, ton jugement sur moi s'accomplit, ton décret à mon égard est juste. Je te demande par tous les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu as gardé secret dans la science de l'inconnu. De faire du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la fin de mes soucis et angoisses. » À la suite de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le serviteur n'a pas récité cela sans qu'Allah ne lui retire ses soucis, et sa tristesse, et les remplace par un soulagement. » Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit وَالْأَصْلُ فِي إِزَالَةِ قَسْوَةِ الْقَلْبِ بِالذِّكْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. الله عز وجل dit, dans le sens du verset, l'auteur du livre a dit « Et la base ou le fondement dans la dissipation de la dureté du cœur à travers l'évocation d'Allah et dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à travers le rappel d'Allah, n'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs. » Sourate le Tonnerre, verset 28. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit concernant l'explication de ce verset: quant au rappel d'Allah dans ce verset, il y a deux paroles. La première est que le rappel dans ce verset est le fait de se rappeler Allah lorsque la personne a le cœur instable et inquiet. Dès lors qu'il se rappelle Allah, son cœur se tranquillise. La deuxième parole est que le rappel d'Allah qui est voulu dans ce verset est le Coran, par lequel se tranquillisent les cœurs, car le cœur ne se tranquillise qu'avec la foi et la certitude. Il dit, il n'y a pas de moyen pour arriver à la foi et la certitude si ce n'est à travers le Coran. La tranquillité et la sérénité du cœur proviennent de la certitude. Quant à l'instabilité et l'inquiétude du cœur, ils proviennent du doute. Il dit, et le Coran est le moyen qui amène à la certitude et qui repousse le doute. De ce fait, les cœurs des croyants ne se tranquillisent qu'à travers le Coran, et c'est cette parole qui est choisie. Fin de citation. L'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, a également mentionné le verset de Sourate Az-Zumar, verset 23. Allahu Azza wa Jal dit, Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Dans le sens, Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. De même, l'auteur du livre a rapporté le verset 16 de Sourate Al-Hadid, « Alam ya'nini alladhina amanu an tarsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq » dans le sens rapproché du verset. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ceux qui est descendu de la vérité? L'imam As-Sa'di, rahimahullahu ta'ala, a dit dans son explication du Coran, c'est-à-dire que le temps n'est-il pas venu où les cœurs des croyants doivent s'adoucir et se remplir d'humilité à l'évocation d'Allah qui est le Coran, et se soumettre à ses ordres et interdits, ainsi qu'à ce qui a été révélé comme vérité, rapporté par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال المؤلف لوتر جليف أدي وفي حديث عبد العزيز بن أبي رواد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد قيل فما جلاؤها يا رسول الله قال تلاوة القرآن وكثرة ذكر الله. Le prophète صلى الله عليه وسلم dans le hadith rapporté par Abdelaziz ibn Abi Rawad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, ses cœurs se rouillent comme rouille le fer. On lui dit, et qu'est-ce qui pourrait le polir ou le lustrer? Il dit, la lecture du Coran et évoquer Allah abondamment. Ce hadith est mursal, qui est une catégorie de hadith faible. Il y a dans ce sens du hadith la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, qui a dit dans son livre Al-Wabil al-Sayyib, le cœur est rouillé par deux choses, l'insouciance et le péché, et il est poli par deux choses, la demande de pardon et l'évocation d'Allah. Nous voyons à travers ces différents récits l'impact de la lecture du Coran avec méditation sur les cœurs. Et ceci, avec la permission d'Allah, est une cause qui dissipe la dureté du cœur. Il convient à chacun d'entre nous de vivre avec ce Coran tous les jours et non pas occasionnellement, comme le fait de le lire pendant Ramadan et après Ramadan exiler le Coran, ou le lire quand on est triste et anxieux et le délaisser une fois la tristesse et l'anxiété dissipées. On demande à Allah Azza wa Jal de nous réformer. Après l'évocation d'Allah par la lecture du Coran, viennent les autres formes et manières d'évoquer Allah Azza wa Jal, comme At-Tahlil, qui est le fait de dire La ilaha illallah, comme ceci a été rapporté du hadith de Jabir, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalu dhikr, La ilaha illallah. La meilleure des évocations, c'est de dire Nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Ou également, At-Tasbih, qui est le fait de dire, qui est la glorification, At-Tahmid, qui sont les louanges, et At-Takbir, qui sont les exaltations. Il y a également les vocations à des moments précis, après les prières obligatoires, le matin, le soir, avant d'aller se coucher, en se levant du sommeil, etc. Tout ceci font partie des évocations qui dissipent la dureté du cœur. Car, comme nous avons cité précédemment, la langue alimente le cœur. De même, dans le hadith de Abdullah ibn Busr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette personne qui lui a demandé conseil, La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah, que ta langue ne cesse d'être humide de l'évocation d'Allah. Avant de passer à la deuxième cause qui dissipe la dureté du cœur, il convient de s'arrêter un instant afin de mentionner les bienfaits et les mérites de l'évocation d'Allah. Et pour cela, nous allons mentionner quelques mérites que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a mentionné dans son livre Al-Wabil al-Sayyib, dans lequel il a mentionné plus de 100 mérites sur l'évocation d'Allah. Il dit rahimahullah, parmi les mérites de l'évocation d'Allah, l'évocation d'Allah satisfait le tout miséricordieux. L'évocation d'Allah dissipe les soucis et la tristesse. L'évocation d'Allah amène au cœur la joie, la bonne humeur et la largesse du cœur. L'évocation d'Allah fortifie le cœur et le corps. Elle illumine le visage et le cœur. Elle facilite et amène la subsistance. À travers l'évocation d'Allah, la personne hérite d'un cœur qui revient sans cesse à Allahu Azza wa Jal et dans chaque situation. À travers l'évocation d'Allah, la personne hérite d'une proximité, d'un rapprochement vers Allah, et son rapprochement sera en fonction de son évocation, comme son éloignement sera en fonction de son insouciance dans l'évocation d'Allah. Il dit également, l'évocation d'Allah ouvre au serviteur une porte de la connaissance d'Allah. Et plus il évoque Allah, plus sa connaissance d'Allah s'accroît. Il dit également, la personne qui évoque Allah, Allah l'évoque. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset, Évoquez-moi, je vous évoquerai. Surat al-Baqarah, verset 152. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte à ce sujet le hadith al-Qudusi. Allah Azza wa Jalla a dit, Celui qui m'évoque en lui, je l'évoquerai en moi. Et celui qui m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée meilleure que cette assemblée. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'imam Ibn al-Qayyim dit à la suite de cela, ne serait-ce que le simple fait qu'Allah évoque la personne suffit comme mérite et honneur. Il dit parmi les mérites de l'évocation d'Allah, l'évocation d'Allah, il y a dans l'évocation d'Allah la vie des cœurs. Il dit, j'ai entendu Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah dire, l'évocation d'Allah pour le cœur est à l'image de l'eau pour le poisson. Comment serait l'état du poisson si on le sortait de l'eau? De même, l'évocation d'Allah efface et fait partir les péchés. Car l'évocation d'Allah fait partie des meilleures actions. Et certes, la bonne action efface la mauvaise action. Bien sûr, ici, il est question des petits péchés, car les grands péchés ont besoin d'un repentir. Il dit également, l'évocation d'Allah est une cause de sauver la personne du châtiment d'Allah, comme ceci est rapporté du hadith de Mu'adh ibn Jabal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme n'a pas accompli une action plus salvatrice contre le châtiment d'Allah que l'évocation d'Allah. De même, l'évocation d'Allah est une cause qui fait descendre la sérénité, la miséricorde. Et c'est une cause que les anges entourent les personnes qui évoquent Allah, comme ceci a été rapporté dans le hadith de Abi Huraira. Il dit également, l'évocation d'Allah est la cause d'occuper la langue, contre la médisance, la calomnie, le mensonge, les mauvaises paroles. Car le serviteur a besoin de parler quoi qu'il arrive. S'il ne parle pas dans l'évocation d'Allah, en l'évoquant et en mentionnant les obligations d'Allah, il parlera dans des choses ou dans ces choses interdites citées précédemment. Il dit, et il n'y a aucun chemin pour être préservé de cela si ce n'est l'évocation d'Allah. Et la réalité et l'expérience témoignent de cela. Celui qui habitue sa langue à l'évocation d'Allah préservera sa langue du faux et de la futilité. Quant à celui qui prive sa langue de l'humidité de l'évocation d'Allah, celle-ci sera humide dans le faux, la futilité et les paroles frivoles, et il n'y a de puissance ni de force si ce n'est en Allah. Il dit également, les assises où l'on évoque Allah sont les assises des anges, alors que les assises d'insouciance et de futilité sont les assises des shayatin. Il dit que la personne choisisse laquelle des deux assises elle préfère. Il dit également, l'évocation d'Allah fait partie des adorations les plus faciles, car la langue est la partie du corps la plus facile à bouger. Et pour finir, il nous dit que l'évocation d'Allah est une sécurité contre l'hypocrisie, car les hypocrites n'évoquent que très peu Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit au sujet des hypocrites dans Surat An-Nisa, verset 142, « Wa la yazkuruna Allah illa qalila » et ils n'évoquent Allah que très peu. Il rapporte la parole de Ka'b radiallahu anhu qui a dit « Celui qui multiplie l'évocation d'Allah sera préservé de l'hypocrisie. » Voici quelques mérites de l'évocation d'Allah que l'imam Ibn al-Qayyim a cité parmi les 100 mérites de l'évocation d'Allah dans son livre « Al-Wab ibn al-Sayyib ». On demande à Allah Azza wa Jal de nous réformer, de nous faciliter et de nous permettre de l'évoquer, de rendre nos langues humides de son évocation, d'adoucir nos cœurs par son évocation et de nous préserver de l'hypocrisie. قال المؤلف, l'auteur du livre a dit, ومنها الإحسان إلى اليتامى والمساكين. Parmi les causes qui dissipent la dureté du cœur, il y a la bienfaisance envers les orphelins et les pauvres ou les nécessiteux. روى ابن أبي الدنيا حدثنا علي بن الجعد قال حدثني حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين إسناده جيد. ابن أبي الدنيا rapporte le hadith de أبي هريرة qui a dit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de la dureté de son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu veux que ton cœur s'adoucisse, caresse la tête de l'orphelin et nourris les pauvres. Rawa Abu Nu'aym min tariq Abdir Razak an Ma'mar an sahibillah أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان رضي الله عنهما ارحم اليتيم وأدنه منك وأطعمه من طعامك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يشتكي قساوة قلبه فقال أتحب أن يلين قلبك فقال نعم فقال أدن اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك فَإِنَّ ذَلِكَ يُلِينُ قَلْبَكَ وَتَقْدِرُ عَلَى حَاجَتِكَ. Abu Nu'aym rahimahullahu ta'ala rapporte que Abu Darda a écrit à Salman radiallahu anhuma. Il lui dit, sois miséricordieux avec l'orphelin, rapproche-le de toi et nourris-le de ce dont tu te nourris. Car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, alors qu'un homme est venu le voir en se plaignant de la dureté de son cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, veux-tu que ton cœur s'adoucisse? Il dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, rapproche l'orphelin de toi, essuie ou caresse sa tête et nourris-le de ce dont tu te nourris, car ceci adoucit le cœur. Car ceci adoucit le cœur et facilitera tes affaires. Ce hadith a été jugé faible. ونقل أبو طالب أن رجلا سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل فقال له كيف يرق قلبي قال أدخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. أبو طالب rapporte qu'un homme a questionné أبي عبد الله, c'est-à-dire أحمد بن حنبل, comment mon cœur peut s'adoucir. Il lui dit, entre au cimetière et caresse la tête de l'orphelin. À travers ces différents textes, l'auteur du livre, rahimahullah, cite la deuxième cause qui élimine et dissipe la dureté du cœur, qui est la bienfaisance envers les orphelins et les nécessiteux. Allah Azza wa Jal dit dans le sens des versets, dans sourate les femmes, verset 36, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le compagnon, le voyageur et les esclaves en votre possession. Car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. L'orphelin dans l'islam, c'est toute personne qui a perdu son père avant l'âge de la puberté. Le nécessiteux, c'est la personne qui possède quelque chose, mais cela ne lui suffit pas pour combler ses besoins. Quant au pauvre, il a une situation pire que le nécessiteux, car il ne possède rien. Ces deux termes, lorsqu'ils sont cités ensemble, alors chacun a son sens précis. Mais lorsqu'ils sont cités seuls, indépendamment de l'autre, comme c'est le cas ici, alors l'un englobe l'autre. La bienfaisance peut être de plusieurs manières. Un sourire, une bonne parole, un bon comportement, de la nourriture, de l'argent et autres. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à être bienfaisant avec les orphelins et les nécessiteux. Et ceci est une cause d'adoucir le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Sahl ibn Sa'd, « Ana wa kafilul yatim kahatayni fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta » Dans le sens, il dit « Moi et celui qui s'occupe de l'orphelin seront comme ceci au paradis. » Et il a joint entre l'index, entre son index et son majeur. Et ce hadith a été jugé bon par Cheikh Al-Albani. Fait partie de la bienfaisance envers l'orphelin, le fait de passer sa main sur sa tête, comme cité dans le hadith. Car l'orphelin à ce moment est dans un état de chagrin et de tristesse. Et ce simple geste fait entrer dans son cœur la douceur. C'est un geste qui ne prend que quelques secondes, mais qui a un impact dans le cœur de cet orphelin. Qui a un impact dans le cœur de cet orphelin et de la personne qui commet cet acte. Parmi la bienfaisance envers l'orphelin, il y a le fait de dépenser pour lui et de le nourrir. Il a été rapporté que Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, ne mangeait pas un repas sans qu'il y ait un orphelin à sa table. De même, le nécessiteux, le pauvre, qui est dans un état de détresse et de faiblesse, le fait de s'asseoir avec lui pour Allah, le rapprocher, dépenser pour lui et le nourrir pour Allah, a un impact dans le cœur de la personne qui fait cette action et dans le cœur du pauvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abi Huraira, As-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal-mujahid fi sabilillah aw al-qa'im al-layla was-sa'im an-nahar. Dans le sens, celui qui s'occupe de la veuve et le pauvre est comme le combattant dans le sentier d'Allah ou comme celui qui prie la nuit et jeûne le jour. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et nous terminons avec la parole du grand savant, le Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, qui a dit, et il n'y a pas de doute, il a dit concernant l'orphelin et le pauvre, il n'y a pas de doute que l'orphelin et le pauvre font partie des gens qui méritent le plus l'attention. Et ils méritent qu'on prenne soin d'eux. Car le Seigneur, Allahu Azza wa Jal, a réitéré ou a mentionné cela à plusieurs reprises dans son livre et nous incite à être bienfaisants et miséricordieux envers eux. Il convient à chaque musulman et musulmane d'être bienfaisant envers l'orphelin, envers les orphelins et les pauvres, qu'ils connaissent qu'ils connaissent en particulier ou en général. Voici les deux premières causes que l'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, a citées parmi les causes qui adoucissent le cœur. On demande à Allahu Azza wa Jal de nous faciliter la mise en pratique de ces causes, qui sont en réalité des adorations par lesquelles on se rapproche d'Allah. On lui demande d'adoucir nos cœurs à travers l'évocation d'Allah, de rendre nos langues humides de l'évocation d'Allah, de nous faciliter et de nous permettre d'être bienfaisants envers nos pères, nos mères, nos proches, envers les orphelins, les nécessiteux et autres. La semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, nous verrons la suite des causes qui dissipent la dureté du cœur. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.